Printemps en Virginie, mars 1982. Faustine revient à Gainesville. Quel soulagement de se retrouver en pays à peu près civilisé, de n'avoir rien à prouver à personne. C'est sûr, la Suissesse aime l'hiver, mais pas à n'importe quel prix. Si seulement on pouvait remplacer l'épreuve du ski par de simples balades à pied contemplatives et des après-midi lecture sur une terrasse ensoleillée. Pour l'heure, Faustine fait connaissance avec la nouvelle maison que Maxime leur a trouvée alors qu'elle était à Paris, aux prises avec l'administration française. Le 1424 Vitch Hill Road est une grosse baraque bien solide en briques rouges. Difficile à cambrioler celle-ci. C'est une maison sur trois niveaux. Un ré semi-enterré avec cuisine et office dont ils ont fait leur salon. Un entresol en mezzanine où Maxime a fait poser leur lit et une sorte de demi-étage avec encore deux chambres et une autre salle de bain. Autre innovation, un téléviseur accroché dans l'office. Maxime n'a aucun mérite, il faisait partie de la maison. Œuvrant essentiellement à la cuisine, Faustine allume l'appareil sitôt que son homme a tourné le dos. Elle espère ainsi se faire l'oreille plus rapidement à l'américain. Car elle a eu beau faire, mais au bout de plusieurs mois de pratique, elle peine encore à se faire comprendre sans les mains. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. La télévision sera peut-être un outil accélérateur, allez savoir. Évidemment, elle ne passe pas tout son temps devant le poste. Les émissions sont rarement intéressantes. Tous les shows sont entrecoupés de publicité, c'en est risible. Quant aux séries comiques, elle choque les premières fois où elle a entendu des rires pendant la prestation des acteurs. Sont-ils tellement stupides, ces Américains, qu'il faut leur signaler quand réagir à bon escient? Elle n'en croyait pas ses oreilles. Les émissions sérieuses existent, oui, mais elles sont toutes payantes. On vous allège avec une bonne annonce, puis on interrompt tout. Un animateur armé d'un micro se poste devant un grand tableau où s'affiche le montant des participations promises. En bas de l'écran s'affiche un numéro de téléphone et le film n'est lancé que lorsque la somme envisagée est complétée. Une fois qu'elle a déballé et rangé les cartons de linge, vaisselle et bouquins, Faustine se lance dans la décoration. Jeff et Cathy, le batteur de l'orchestre et sa femme, devenus d'excellents amis, leur ont offert un canapé trois places et deux fauteuils qui meublent l'office salon. En quelques heures, Faustine a fabriqué des rideaux, brodé des coussins pour le canapé et rehaussé l'abat-jour de joyeux motifs floraux. Pour l'extérieur, un modeste jardin pourvu de quelques buissons entoure la maison. La pelouse, agrémentée d'une table et de bancs, sera facile à entretenir. Voilà qui promet de belles agapes dehors cet été. Maxime s'est enfin résolu à acheter une tondeuse électrique. La pelouse, ce sera son boulot à lui. Elle ne veut même pas en entendre parler. D'ailleurs, n'a-t-il pas toujours prétendu adorer la nature et les simples travaux manuels? Qu'il le prouve. Quand elle a terminé son travail à la maison, Faustine erre dans les environs. Elle n'a pas fini de découvrir les bizarreries de cet étrange pays. Figurez-vous qu'au bout de sa rue, de l'autre côté de la route cantonale, il y a un Christmas shop ouvert toute l'année. C'est une maison sur trois niveaux qui vend des articles de Noël en permanence. Des sapins synthétiques, des boules en toute matière, formes et couleurs. Des centaines de gadgets allant des guirlandes aux cheveux d'ange en passant par de la neige artificielle et de l'or en spray. Il y a aussi une incroyable diversité de crèches et des santons qui conviennent à tous les pays et sans doute à toutes les religions. Et les clients viennent enrichir leur collection à n'importe quelle période de l'année. Même un 15 août, on vient acheter des fournitures pour le Noël suivant. C'est tout bonnement incroyable. Pour compenser le côté peu orthodoxe de leur union, Maxime cherche tous les moyens de faire plaisir à Faustine. Il aimerait, dit-il, qu'elle s'habille un peu plus coquettement, qu'elle aille plus souvent chez le coiffeur. En clair, qu'elle se sente à l'aise dans sa peau de femme de vice-président. Peut-être aimerait-il aussi qu'elle ait moins l'air d'une pauvresse devant les autres secrétaires. Faustine se bidonne et lui refuse mariage et enfant, mais il voudrait qu'elle joue les petites bourgeoises bien lisses et respectables, qu'elle fasse bon genre devant ses patrons. Docile dans un premier temps, elle prend rendez-vous chez la coiffeuse de son patelin. Pendant qu'elle attend son tour, plusieurs clientes entrent dans le salon. Toutes ont les cheveux mouillés, manifestement déjà lavés. On est en mars pourtant et il ne fait pas vraiment chaud. Mais de quoi sont-elles faites, ces femmes? Elles ne sont donc jamais malades? Faustine comprend vite. Chaque prestation est facturée séparément. Et l'addition peut varier du simple au double. Vous venez pour une simple coupe, d'accord? Alors on vous coupe les cheveux. Si on doit les laver d'abord, vous payez plus cher. Et si vous souhaitez un brushing après, c'est encore en supplément. Et ainsi de suite. De la coiffure à la carte, en quelque sorte. Par contre, on vous offre autant de café que vous le souhaitez. Faustine prend note pour la prochaine fois. Trop tard pour reculer. Elle se laisse laver les cheveux, puis demande une coupe. Pour marquer le coup, elle fait couper le plus court possible. Elle a lu quelque part que les femmes déçues, trompées, frustrées, se faisaient quasiment tondre pour manifester leur chagrin, leur colère ou leur déception. Dans le bras de fer qui l'oppose à Maxime concernant ses exigences de femme, cela lui semble très parlant. Hélas, à l'arrivée, son homme ne le prend pas du tout comme ça. Il adore cette coupe et trouve qu'elle lui va très bien. Quelle bonne idée elle a eue là! Sitôt que la maison est à son goût, Faustine reprend ses incursions au bureau, ses visites de politesse à Colline et aux filles. Les occasions se multiplient car dès lors qu'ils habitent sensiblement plus près, Maxime incite sa compagne à venir le plus souvent possible déjeuner avec lui. Voilà qu'il occuperait sainement. Sinon, à quoi sert d'avoir une femme à la maison, hein? Je vous le demande. Bonne patte, Faustine se dit, pourquoi pas? Après tout, elle adore cuisiner et le manque de moyens rend créatif, pas vrai? Ainsi se succèdent gratin, choux farcis et autres petits plats mijotés. Pendant que les plats réchauffent dans le micro-ondes, Faustine s'enquiert d'éventuelles propositions de travail. Un jour, Mère Hélène suggère que ce serait chouette si les ingénieurs et les instructeurs pouvaient disposer d'une librairie technique accessible et pratique. Pour cela, il faudrait réorganiser une pièce du premier étage où, pour le moment, les livres et les magazines s'entassent dans une anarchie totale. Est-ce que, par hasard, Faustine... La jeune femme ne dit ni oui ni non, bien que le boulot en soi promette d'être barbant. Mais bon, après tout, tout argent est bon à prendre. Pour autant que Donald accepte qu'elle travaille au noir. Prête à tout pour la paix sociale du bureau, Donald agrée et donne le feu vert, ainsi que les moyens techniques et les instructions. Maxime complète pour le cas où il y aurait encore des blancs. Mais Faustine a compris. Le classement est l'une des premières choses qu'elle a apprises quand elle a suivi ses cours de secrétariat par correspondance. La voilà donc occupée, au moins pour les 3 prochains mois. Entre le ménage à la maison, les repas pour le couple chaque fois que Maxime est dans les parages et la bibliothèque à mettre sur pied, Faustine est aux anges. Son énergie a de quoi se dépenser. Du coup, elle boit beaucoup moins, à part les jours de paye. Pas seulement parce qu'elle en a les moyens, mais surtout parce que Pamela, la comptable, fait des histoires à n'en plus finir par rapport à sa situation et que ça la culpabilise. Autant travailler au noir est signe de débrouillardise en France, autant ici on lui fait comprendre que c'est toute la compagnie, une 20aine de personnes au total, qu'elle met en danger de perdre leur travail, juste parce qu'elle n'est pas en situation légale. Faustine le vit comme une injustice criante. Elle en veut d'autant plus à Maxime de la soumettre à ses humiliations. Maxime qui, une fois de plus, se débrouille pour être absent au moment opportun. Depuis Londres où il donne un séminaire et lui envoie une très gentille lettre, histoire de noyer le poisson, parce qu'il a bien senti au téléphone qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Il commence par lui raconter ses aventures dans les aéroports. Une fois de plus, on est venu lui demander un autographe parce qu'on l'a pris pour Yves Mouroussi, un journaliste vedette. Le même jour, il rencontre dans l'avion un copain musicien qu'il n'a pas vu depuis plus de 20 ans. Et cerise sur le gâteau, l'hôtesse qui s'occupe de lui est la première fille avec laquelle il est sorti lorsqu'il avait 16 ans. Incroyable, non? En ce moment, il travaille à Rennes pour Dassault, qui vient d'enlever le marché du siècle en vendant 150 Mirage 2000 à Indira Gandhi. Plus loin, il prend prétexte d'un courrier que Faustine a envoyé à Daphné, sa fille, afin de la réconcilier avec sa mère, pour lui passer la pommade en lui redisant à quel point elle est formidable et diplomate. « C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses », se dit la brave fille en question, pas dupe une seconde. Sinon, sur le plan humiliation, les Américaines ne se font pas de cadeaux entre elles non plus. Faustine, comme toutes ses amies, est tombée tête la première dans le piège des réunions de Tupperware. Sauf que là, pour changer, c'est Mary Kay qui tient le haut du pavé avec des produits de beauté haut de gamme. Comme pour les fameuses petites boîtes en plastique, pas besoin de locaux ni de personnel qualifié. Ce sont les clientes qui font tout le boulot, racolent et tondent les brebis en échange de quelques échantillons ou produits gratuits. Faustine s'est laissée convaincre d'animer une réunion. Elle a préparé boissons et gâteaux. Elle attend la déléguée démonstratrice ainsi que toutes les amies réquisitionnées pour l'occasion. Une bonne dizaine de femmes disposées à se tartiner la figure, à tester parfums et eau de toilette, à craquer pour divers produits tous plus alléchants les uns que les autres dans leurs emballages chics. Judy, l'informaticienne du bureau, a beau afficher la couleur et dire qu'elle n'est venue que pour faire nombre, qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir la gamme qu'on voudrait lui refiler, l'autre la bassine tellement sur l'air de « vous le valez bien avec tout ce que vous sacrifiez à votre mari et à vos enfants, vous avez le devoir de vous faire plaisir » sur un ton si autoritaire que Judy finit par signer un bon de commande conséquent, les larmes aux yeux. Faustine a bien essayé de voler au secours de son amie, mais la vendeuse n'a rien voulu savoir. Il paraît que les meilleurs délégués Mary Kay se voient offrir une Cadillac de fonction rose au diapason de leur chiffre d'affaires qui peut monter très haut. Comment y résister? Ça ne sera pas pour l'hôtesse du jour. Après cette première expérience frustrante, elle laisse tomber ses escrocs. Faustine termine à peine l'organisation de la bibliothèque technique quand Maxime lui offre de l'accompagner à Singapour. Le département des affaires militaires vient de leur commander un cours de 10 jours sur place. La jeune femme accepte avec enthousiasme. L'Asie, enfin, quelle aventure !